Salut, ici Sophie Cadieux. Vous avez un problème? Ils ont un podcast. Yeah! Vous avez un problème? Nous avons un podcast! Wow! Bonjour et bienvenue à la balado-diffusion Pas de problème, ici Frédéric Barbouchy en compagnie de Louis Gauchet. Salut Fred! Salut Louis! All right! Ça va bien? Oui! Alors, Mathieu Bouillon? Bonsoir mes âmes sœurs! Oh. Oh. Et aussi le retour de l'homme char d'assaut, Frank de Tank, François Lapierre Messier. Bonsoir! Bonsoir! On peut l'applaudir. Notre invité! Il s'est déplacé une deuxième fois. Hein? Ça. Puis il y a 100 promesses de bacon. En plus. C'est en ça. En plus. C'est ça. Mais tu sais, il y a de la bière. Donc, t'es. Oui, c'est ça. Il y a de la bière. En plus, t'es un balabro. Oui. Parce que à la suite de nos enregistrements, on essaie de commencer les soirées broadcast où les balados diffuseurs se rencontrent. Et d'ailleurs, ce soir, j'aimerais faire le petit shout-out à Geek Collectif, Trois Bières, Réalité augmentée, ainsi que Radio Talbot. Merci. Balado. Ouais. Et Christiane Charrette. Ouais. Elle laisse la charrette. Ouais. OK. Non, donc, je vous dis, les filles, il y a du célibataire mâle ici ce soir. Venez vous gâter. Endurci. Ah oui. C'est juste dommage que les filles vont écouter ça avec quelques semaines de délai. Mais je suis pas mal sûr. Ouais. Là, je prendrais sexiste, pas les paris ça, là-dessus. C'est sexiste, ils n'ont pas tant de semaines de délai. Non, mais je prendrais pas de paris là-dessus, mais j'ai comme l'impression qu'au prochain enregistrement aussi, il va y avoir pas mal de célibataires endurcis. C'est possible. Parfait. Ouais. Oui, mais, ben oui, c'est sûr. Et c'est en septembre, le 10 septembre, notre prochain enregistrement. Sinon, c'est le deuxième mardi du mois, hein, au bar Les Passages. Oui. Et d'ailleurs, qu'est-ce qu'on fait dans ces enregistrements? Qu'est-ce que c'est? Pas de problème. Eh bien, c'est un service gratuit offert à toute personne qui désire recevoir des solutions à un problème donné. Nous, on est à la recherche de causes désespérées. Et d'ailleurs, c'est aussi un peu, à la limite, un show d'humour non scripté. C'est un show d'humour non scripté. C'est non, bien pas dit. Tout. Voilà. Non, en fait... Il y a un grand geste de générosité. Où on s'amuse à vous lancer des solutions et des jeux de mots pour Mathieu. Oui. Donc... fait que moi, j'ai pas le droit? Oui, t'as le droit. Okay, t'as le droit parce que t'es invité. OK. Louis? Ouais. J'ai pas le droit. Non. OK. Et d'ailleurs, en faites-vous des jeux de mots à Radio Talbot? Oui. Les formes d'humour les plus basses, d'habitude, on est très fort là-dedans. T'as le beau jeu. Ça, la faites-vous, celle-là? T'as le beau jeu. Je vais la suggérer, je pense. OK, oui. Note-la. Note-la. Parce qu'elle est shot, celle-là. Rendu à la troisième balado, Mathieu est en feu parce qu'il y a trois peintes dans le corps. Il y a trois peintes dans le corps. Alors, c'est juste la deuxième. Oui. Le problème de cette semaine, et pourquoi aussi on a fait appel à tes services, François, nous vient d'un pusher de problèmes, Banjo Bouchon. Banjo, wow. Notre ami Banjo. Reconnu à travers le monde. Veux-tu? Oui? Non, on le dit. Mais on est content que tu sois là. Oui, il est là parmi nous ce soir. Donc, son problème, veux-tu le lire? Ah, je veux le lire, Fred. Tu l'as, vas-y. Oui. Louis le lit. Pas de problème. Le Louis. J'ai un problème. J'ai acheté sur un coup de tête, il y a un an, le nom de domaine Zwipple.com. On dit Zwipple, c'est Z-W-I-P-P-L-E.com. Mais un an plus tard, j'ai aucune idée de quoi faire avec. Je n'ai pas de compétences particulières en création de sites web, mais j'aimerais au moins faire de quoi avec le site. Il me semble que Zwipple.com a le potentiel de devenir le prochain Twitter ou le prochain Google+. S'il vous plaît, pas de problème. Avez-vous une solution pour me rendre riche et ou populaire à l'aide de mon nom de domaine, de Banjo Bouchon? Le beau Banjo. Hein, ouais. T'as un drôle de prénom. Baptisé par Mathieu, hein? Oui. Avant, il y avait un nom. C'est terminé. C'est-tu un de ses problèmes? Oui, c'est son nouveau problème. Ouais. Et toi, excuse-moi, je le mets en ligne, je le mets sur Twitter en ce moment. Toi, François, tu as aussi eu ce problème-là quand même. C'est moi, je pense que je vais fonder l'association des acheteurs compulsifs de nom de domaine. Okay. En ce moment, je me contrôle. Je pense qu'il m'en reste juste 8. Mais il fut une époque où j'en avais une bonne vingtaine à mon actif. Puis ça a été quoi, mettons, le nom le plus ridicule que t'as acheté? Un de mes préférés. Ça m'a donné, j'écoutais une conférence de gens qui parlaient de comment réussir dans l'industrie du jeu en étant un indépendant. Puis ils ont dit que eux, toute leur structure d'affaires était basée autour de la bière. Qu'ils prenaient des bières avec des chums, c'est même que les projets se faisaient. Puis ils ont intitulé cette philosophie-là le Beersness. Eh bien, je suis le propriétaire de, ou en fait, je l'ai été, de Beersness.com et Beersness.ca. Je me suis dit, ça peut toujours servir. Mais finalement, ça n'a jamais servi. Mais là, excusez, c'est parce que je viens de le mettre sur Twitter. Mais là, le Zwipple.com a été changé pour bit.ly, /16JH. Oh! Ah, encore. Ça tourne clairement à toi, hein? Wow. Mais à la base, qu'est-ce que c'est un domaine? Et bien, à la base, un domaine, Mathieu, c'était dans l'Antiquité romaine. On un gros menhir. Oui, un gros menhir pour dire aux gens, c'est ici qu'on habite. OK. Et, un domaine, en fait, pour les gens qui ne savent pas à la maison, c'est une place sur Internet sur laquelle on peut mettre des informations moyennant un coût qu'il faut payer à GoDaddy, je pense. Non, mais ça... tu connais ça, les domaines? Ben, sur Internet, oui. Mais tu sais, les espaces de terre dans la vraie vie que tu achètes puis que tu revends ou que tu fais de la villégiature dessus sont dans un la peu vie, moins. La vie, il faisait pas tant de... Mais, c'était à toi, ça, Mathieu. Oui, ça me ressemble. Non, mais peux-tu nous dire un peu comment on fonctionne pour acheter un nom de domaine? GoDaddy, c'est un des sites qui est populaire parce qu'ils mettent des filles à moitié à poil dans leur pub. OK. Y a-tu d'autres pubs que ça? Hein? Mais continuons. Mm. Où tu peux aller justement leur donner de l'argent pour acheter, par exemple, jadis, si tu avais eu la bonne idée d'acheter Twitter.com, ben, tu aurais pu faire une fortune parce que tout le monde sait qu'il n'aurait jamais pu trouver un autre nom pour ce service-là en leur revendant le nom de domaine par la suite. Donc, à la base, ça coûte quelques dollars, entre 9 et 20 dollars, dépendamment de la sorte de domaine et où tu vas l'acheter, pour un an, pour avoir le droit ensuite d'utiliser ce nom-là pour mettre ce que tu veux dessus, ou, en l'occurrence de notre problème de ce soir, jusqu'ici, rien du tout. Et si je ne me trompe pas, un nom de domaine, ça s'achète, mais un nom de démon, ça ne s'achète pas. Ça s'obtient. Mais je pense que à midi, tu peux en avoir. OK. Je vais essayer. OK, c'est super. Non, mais... Je vais essayer. Juste pour toi. Oui. Mais moi, j'avais entendu dire que... Ça mérite une clap. Pour... mettons que j'avais acheté iCloud, je devais utiliser ce nom de domaine-là pour qu'il soit vraiment plus acheté. Ben, pour que je puisse le vendre vraiment avec une grosse... Pas nécessairement. Bon prix. Tu peux juste l'acheter et rien faire avec tant que tu payes pour à chaque année. Les seuls cas où tu as des chances de le perdre, c'est si, par exemple, tu achetais Xbox 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, après qu'il est sorti la première, dans l'espoir qu'il sorte la Xbox 3. Mais si le nom Xbox existait déjà, là, Microsoft pourrait dire « ben je suis désolé, mais ouais, t'essaies clairement juste de faire la pièce. » Dans le cas du Zwipple, je pense pas que ce soit le cas. Mais non, mais Zwipple, je pense qu'on a quelque chose de gagnant ici. Ouais. À moins qu'il y ait Zwip en ce moment, puis que Zwipple soit l'extension de ce produit-là, je... Ouais. Je suis pas expert en Zwip, fait que je me prononcerai pas. Il y a beaucoup de... D'ailleurs, je pense que Louis t'a planché là-dessus beaucoup. Oui, j'ai planché sur le Zwipple parce qu'en fait, c'est un truc qui m'intéressait de savoir qu'est-ce qu'on peut faire avec seulement un nom. Mm. Et puis, Zwipple, à la base, ça sonnait très weird. Et je me suis dit, pourquoi pas faire un site pour les analphabètes? Parce que ça veut rien dire, Zwipple. Mm. Quand tu le lis comme ça, c'est n'importe quoi. Peu de sites sur Internet sont consacrés aux analphabètes, mais il y a quand même environ 49 % des Québécois qui le sont analphabètes. 49 %? Oui, ça représente 3 946 956 personnes. Il y a des niveaux d'analphabétisation, mais quand même. Donc, c'est un marché qu'on oublie sur Internet souvent. Ouais. Alors, on pourrait faire, par exemple, des articles de blog remplis de lettres aléatoires, mettons, sur ce site-là, pour que les gens analphabètes ne se sentent pas biaisés par Internet. Puis la beauté de ça, c'est qu'il y a sur Internet, justement, ce qu'on appelle un Lorem Ipsum Generator. OK. Oui. Et dans le but de juste générer du texte complètement aléatoire pour remplir des espaces quand tu veux justement faire des ébauches pour des sites que tu voudrais revendre à des gens, puis tu veux mettre des fausses nouvelles au lieu d'écrire des trucs. Donc, il y a déjà sur Internet des outils pour ça. Et il y a même mon préféré qui est le Bacon Lorem Ipsum Generator. Wow. Qui va te mettre des mots genre bacon, sausage, pork, beef, un peu partout dans ton texte. Ouais. Mais quand même. Là, c'est, ouais. c'est... Mais à la limite, on pourrait même remplacer les mots par des images. Est-ce que des sites web qui ont des images, est-ce que les ça gens commence. Ont déjà pensé ça commence. À ça? Ça commence. Mais c'est que c'est des ouais. images, mais c'est juste parce que tu mets deux petits points puis une parenthèse. Ouais. Ça fait une image quand tu la regardes de côté. Ouais, il y a une pièce à faire avec ça. Il y a une pièce à faire. Ça s'appelle des émoticons. C'est un mot que tu viens d'inventer. Oui, là. Et d'ailleurs, je suis en train de l'acheter sur Internet. Non! Oui. Emoticon.com. Voilà. C'est fait, je l'ai. Emoticon. Oui. Ah oui, alors, excusez, parce que j'avais mais comme des sinon, gags écoute, de Transformers. Si vous avez besoin de gaz, là. Moi, il y avait aussi l'idée de Zwippo, c'est peut-être une abréviation, dans le fond. Alors, oh. j'y allais, moi, pour Zebras with Instant Pellosity Pattern Lipstick Essence. Ben là! Parce que... Ce qui arrive, c'est que Internet, ce qui est intéressant là-dedans, c'est qu'il y a plusieurs personnes, à ce que j'ai entendu dire, qui sont sur Internet et il faut que tu trouves ta niche. Mm. Et pour les gens qui cherchent, mettons, un lipstick à essence, ben, un baume à lèvres à essence de pilosité de zèbre oui. instantanée, ben, ces gens-là qui cherchent ça oui. vont tout de suite aller sur zwippo.com. Puis Dieu sait que quand on cherche un baume à lèvres à pilosité de zèbre, oui. on ne sait souvent pas où se référer. Ouais, exactement. Fait que c'est trouver la niche de Zwippo, dans le fond. On ne sait pas toujours comment formuler cette recherche-là sur Google non plus. Non. Parce mais, que, tu sais, on a peur des suggestions. Parce qu'il y a 15 ans, on ne tapait pas Twitter, tu sais. Non. On se faisait, on cherchait pas ça. Non. Là, on cherche Twitter. En même temps, il y a « What would Jesus do » et il y a « Zwippo ». Il y a « Zwippo », exactement. Peut-être que c'est ça, c'est « Zwat ». Mais moi, j'y allais plus dans le branding, c'est-à-dire brander le mot comme, je sais pas, tu sais, un wardrobe malfunction, là, comme Janet Jackson a eu, mais comme plusieurs femmes ont des fois, il y a un petit nipple qui sort. Oui. C'est comme Zwippo, tu sais, wow. comme une contre de Zwippo, de Zwippo, tu sais, puis là, tu recenses tous les Zwippo. De la télé, du cinéma. Et Dieu seul sait que s'il y a un peu de peau qui est montré, c'est sur Internet qu'il faut que ça aille, cette affaire-là. C'est ça, c'est sûr. Donc, ça, puis les chats. Vous seriez probablement les premiers à mettre des seins sur Internet. Oui, c'est une excellente idée. Non, mais justement, tu as dit le mot chat. Ouais. Imagine des Zwippo de chat. Zwippo de chat. Non, en fait, c'est ça. Chat de tout. Toutes des Zwippo de tout le monde wow. et de tous les animaux. On parle de ça, mais j'avais une solution qui allait dans ce sens-là. Où est-ce qu'il y a une clientèle qui existe de les gens nerveux qui font des recherches Internet pour de la pornographie, oui. puis là, qui veulent taper « nipple ». Mais tu sais, ils regardent par-dessus leur épaule, ils sont pas sûrs, ils ont peur un peu, fait qu'ils font une faute. C'est « Zwippo » qui écrivent. Mais alors, il y a des de gens ça. Qui viennent vers ça. Ouais. Tu sais, naturellement, tu vas avoir des visites de gens nerveux qui cherchent la pornographie. Peut-être leur offrir à ce moment-là sur ton site de la pornographie un peu cachée. Donc, mettons, comme des images de femmes nues, mais avec le nom scientifique des parties du corps, des craques à côté. Comme ça, ça a l'air d'un devoir. Puis là, les gens se doutent pas que tu regardes la pornographie. Ce que tu peux faire aussi, qui est une autre des suggestions que j'avais aujourd'hui, qui est relativement illégale, mais ça, regarde, on ne se perdra pas à ça. Ben, il n'a pas demandé une solution légale dans oui, sa question. Jamais, là. Ouais, ouais. C'est, en suivant le thème de la pornographie un peu trouvée au travers, oui. quand les gens arrivent sur ton site, tu leur offres de la pornographie, mais qui est en fait juste du contenu qui vient d'un autre site que toi, tu revends pour plus cher. Mais ça se fait, ça, déjà? Bien, il y a déjà tout plein de gens qui prennent des sites puis qui intègrent à leur site existant puis qui vendent la pub sur leur site, donc utilisent le contenu de l'autre pour vendre la pub. C'est plus ou moins légal. Dans le cas d'un service qui est payant à la base, c'est sûrement encore plus illégal, mais c'est ça. On ne nous a pas demandé une solution légale. Mais moi, si tu mets ton... où est-ce qu'on garde ce site-là là, physiquement? Si tu le mets sur un bateau... Là, non, mais pour ça... Tu le laisses aller. Si tu as des trucs plus ou moins légaux que tu veux hoster à quelque part, il y a un pays qui existe pour ça. Oui. La principauté du Sealand. Okay. Oh. Et ça, c'est pas une blague. Okay. Je suis très sérieux. Ouais. La principauté du Sealand, c'est une ancienne base militaire au large des côtes de l'Angleterre qui a été revendu, je me semble, c'est dans les années 70, je ne me trompe pas, et qui a servi ensuite de gros passage à drogue. Le gars qui l'a racheté a décidé qu'il fondait son propre pays, a mis des mines dans l'eau autour, et s'est mis à tirer à coups de canon sur les gens qui venaient pour l'écœurer. Et il a réussi à obtenir un simili-statut de pays, donc il a pu faire ses propres lois. Et son fils, qui est un visionnaire, a converti ça en centre de hosting. Donc maintenant, si tu veux avoir un site web de trucs vraiment pas legit, tu fais envoyer ça sur les saveurs du Sealand. Principauté du Sealand, ça existe pour vrai. Ils ont un site web avec une belle photo du truc en plein milieu de l'océan qui est affreux. Là. Donc, mais ça si serait... tout le monde surnommait cette place-là Zwippo, ouais. Tu sais, peut-être. Puis après ça, là, eux autres devraient te l'acheter, tu comprends? Mais là, si on a le droit d'avoir des solutions illégales, moi, je te dirais, fais juste menacer quelqu'un, je vais te tuer si tu l'achètes pas 100 millions, tu sais. Là, tu vas faire du cash. Ouais. Si les solutions illégales, on a le droit à tout, c'est pas une mauvaise solution, tu sais. Tu sais, tant qu'à ça. Ouais. Moi, j'ai essayé aussi d'analyser le mot Zwipple, et selon moi, c'est le mélange parfait entre le mot zouave, soit les gardes de la garde papale, et le mot ruffles, donc les chips ondulés. Donc, je pense que ça pourrait être une référence en matière. C'est pas Zwiffles, c'est Zwipple. C'est Zwipple? Non, c'est Zwipple. En tout cas, moi, dans ma c'est dimension. C'est ça que je te disais, 49 % des Québécois sont analphabètes. Et ça va d'un niveau 1 à 3. Là, présentement, t'es à 3, mais c'est correct. On l'accepte là-dedans. C'est fou, j'ai réussi à faire un bac à l'UQAM sans avoir jamais lu un livre. À l'UQAM, 59 % des gens sont dans l'alphabet. Ouais, ben. C'est pas l'UQAM, c'est l'UQAM. C'est l'UQAM, oui. Mais toujours est-il, oui, tu sais, un site qui répertorierait des gardes de la garde papale qui mangent des chips ondulés. Il me semble qu'on répond à un besoin, là. Ou des pommes. Ouais. Moi, hey, c'est mieux que ton mamelon impromptu, là. J'ai fait non, ça fasse! De recenser toutes les Zwipple qu'il y a eu. J'ai quand même fait une petite recherche sur Internet, sur Google. Oh, c'est un autre site drôle. Mais il y a un joueur de poker très peu actif qui s'appelle Zwipple. Oui. Ben, tu pourrais y vendre à lui. Là, s'il gagne de l'argent, c'est cool. C'est son surnom de poker. Fait que, tu sais, je sais pas, aller voir contact. C'est stats jour, de 2008 puis 2009. Oui, puis c'est zéro à tout. C'est ça qui arrive. Il n'y a rien gagné, il n'y a rien mis. Non, mais ce qui mais est pratique... Mais peut-être à motiver à gagner de quoi, puis vendre de cet après. Ce qui serait pratique à ce moment-là, c'est qu'on nous a mentionné dans le problème qu'il n'y avait pas une tonne de talent pour programmation web. Donc, si le gars a juste 2 années de stats puis que ça n'a pas changé depuis 2009, très peu d'entretien. Très peu d'entretien. Très, très peu. Simplicité. Il y a toujours la vieille arnaque, là. T'sais, tu veux faire de l'argent... Envoie-moi 200 pièces à Zwipple. Non, mais tu sais, la vieille affaire, puis finalement... Attends, c'est une arnaque, oui, ça? Oh non! Non, mais OK, mais... Parce que Montréal, moi, est à Chemiglidou, là, tu sais. Parlant de juste envoyer de l'argent pour aucune raison, j'ai jadis un de mes noms de domaine que j'ai eu, c'était la fondation Frank the Tank pour rendre l'univers plus awesome.com, tout d'un mot, pas d'apostrophe. Oh. Oui. La FTTPRUPA. FTTP, oui, c'est ça. C'est ça. Et à ma grande surprise, parce que c'était pour prendre des dons pour le podcast, il y avait quand même une stimulée raison derrière ça, mais quand on avait juste un bouton pour avoir des dons pour le podcast, on faisait la moitié moins d'argent en moyenne par semaine qu'à partir du moment où il y a eu un site qui s'appelait la Fondation Frank the Tank pour l'univers plus awesome.com qui avait juste un logo un peu moyen avec un piton PayPal dessus, puis c'est tout, ça a doublé nos revenus. Fait de zéro à zéro. Non. C'est sinon, débile. J'aurais dit qu'on aurait augmenté infiniment nos revenus si ça avait été de zéro à zéro. C'est plus marketing que ça. C'est bon. Excuse-moi, je suis sous-estimé. Donc, je pense que juste mettre un bouton PayPal sur un site vide avec un logo sur fond blanc, chose que moi non plus, je connais rien en programmation web puis j'ai réussi à faire ça, là. En partant, je pense qu'il y a un potentiel. Pour les gens à la maison, un bouton PayPal... Qu'est-ce que c'est? C'est un animal de ferme? On en a un, Mathieu. C'est un sous-produit du Zwipple. OK, très bien. Oui. D'ailleurs, j'en vais profiter, si vous voulez faire un don pour le podcast, allez sur Zwipple.com. Instable, pas d'apostrophe.com. Le don minimum est de 1 500 $. Non, mais moi aussi, j'ai fait des recherches sur Google et il y a le smart board, tu sais, comme dans les écoles, là. Il y a une compagnie qui ont appelé leur smart board Whipple, ou c'est la compagnie qui s'appelle Whipple. C'est comme ton nom de domaine sans le Z. Je pense que peut-être essayer de te pogner une job dans cette compagnie-là, faire « Hey, notre prochain tableau, on devrait l'appeler le Zwipple » et quitter la compagnie, évidemment, retirer ta moustache à la sortie. Ou tes lunettes. Clark Kent nous l'a prouvé, ça marche aussi. C'est ça. Et là... dans ton sous-sol, habillé en noir, leur vendre ton nom de domaine. Ouais. Ou quelque chose du genre. Zwipple pourrait être un nom d'artiste aussi. Peut-être qu'on pourrait demander à un artiste de changer son nom. Genre Prince? Zwipple Stardust. Non, mais genre, tu vas voir Prince, puis tu lui dis qu'il faut encore qu'il change de nom, puis que Zwipple, c'est vraiment la chose de l'avenir. Mais il ne faut pas trop que tu lui parles d'Internet, parce que lui, il ne croit pas à ça pantoute. Il a retiré tout son catalogue d'Internet. Oui, oui. Fait qu'il ne faut pas trop que tu lui parles que c'est pour Internet que tu veux ça. Mais juste, vends-y le nom, puis après ça, tu feras la pièce. Wow. Absolument. Moi, je pense que c'est beaucoup dans le produit puis le marketing. C'est quoi le Zwipple? Mathieu, je sais que toi, dans la vie, tu fais des slogans, à l'occasion. Des textes. Oui. Qu'est-ce que tu ferais pour... Un Zwipple, ça pourrait être une crème contre les boutons. Ah, j'aime avouer. Ça. Ouais, comme hein? Un Swiffer de boutons. Un Swiffer de boutons. Avec Élise Marie qui fait comme genre, j'en ai plus. J'en avais beaucoup. Mon acné et moi, on fait bon ménage. Oh, oh! Oh, mais on est là, là. On est là. On est là, là. Ouais. Sinon, Zwipple, ça pourrait être des zouaves avec des chips ondulés. Non, vous l'aimez pas, cette idée-là. Mais Mathieu, c'est Zwipple, c'est pas Zwiffle. C'est Zwiffle. Non, mais il y a toujours, tu sais, peut-être. C'est de valeur que Apple ait pris la tangente aille quelque chose plutôt que Zwipe quelque chose. Mais non, mais Apple, Zwipple. Mais peut-être ramener le Zoom. Le Zoom Pole. Ouais, le Zwipple, c'est le Zoom Whipple. Hey, Zoom. Bruno Guglielminetti, il disait toujours le Zoom. Le Zoom, c'est autre chose. Quand il avait sorti le modèle rose puis que tu m'avais parlé de la Zoom rose, tu avais vraiment. Là... C'est ça. Ah, il était... C'est, tu peux le mettre dans ton oreille pareil, mais il n'y a pas de musique. Ça, oh. Ouais. La Zoom, faites-vous référence au sexe masculin? Oh mon Dieu, Mathieu! Non, hein? C'était, Non, c'est le sexe masculin, c'est le Zwiz. Le Zwipple! Ah, ben voilà! On y revient. Sinon, une solution pour peut-être pas faire de l'argent, mais arrêter d'en perdre, c'est de pas renouveler ton bail avec Zwipple. Oui, il y a ça. Peut-être trouver... Quoique là, on trouvait une bonne idée, là. On en faisait le Wiki pénis. C'est ça que je te dis, s'il renouvelle pas son bail, c'est nous autres qui l'achètent. Mais concernant Apple, là, peut-être tout faire des produits bas de gamme de leurs produits, tu sais, recréer, puis appeler ça les produits Zwipple, tu sais. Là, tu mets la bouchée dans la pomme de l'autre bord pour essayer qu'il n'y ait pas le droit de te poursuivre. Ou fuck la pomme, tu mets une poire, man. Sens de fruits. Tu vas te tenir dans les écoles secondaires ou les écoles primaires, puis tu trouves le kid qui est cool, tu sais, puis tu lui fais inventer la nouvelle expression à la mode. Ouais. Tu sais, parce que c'est comme cool, mettons, tu sais, c'est un kid dans une école secondaire qui est comme c'est ça. Lui, il passe Whipple, puis toi, à la fin, tu sais, tu fais du gros cash en ayant. Ouais. Tu essaies de plugger aussi ta barplotte avec. Ta barplotte, ça serait pas. Ta barplotte, oui. Ça nous ferait plaisir. Ouais. C'est juste pour c'est complètement Zwipple. Oui. Mais il me semble que ça fonctionnerait mieux en France. C'est complètement Zwipple. Whipple. Ah oui! Puis il y a déjà whipple.fr, là. Fait que, voilà. T'es complètement Whipple. Écoute-moi, toutes ces solutions-là m'enchantent. Je sais pas vous. Ces solutions-là m'enchantent. Zwipple, je t'avais dit. Oh, wow. Mais en avais-tu, toi, en proposant ce problème-là, quand tu t'as acheté le nom de domaine, tu t'es dit... D'avoir une idée? Google. Je cherche un bon magasin de tarte à la crème. Oui. Non, je trouve que c'est un beau problème. Puis, Mais je pense qu'il faut regarder certains des succès qu'il y a eu au Québec avec des noms de domaine un petit peu moins conventionnels. Dont d'ailleurs le très célèbre groupe Tazar. Les trois membres sont dans la salle. Il a fait venir ses amis. Non, je suis pas mal sûr qu'ils sont pas dans la salle parce que non. On le propose sur Twitter. Jonathan Milter qui le propose. Le groupe Tazar, écoute, c'est des gens qui ont décidé qu'ils partaient un nouveau réseau social et qu'ils allaient devenir riches avec ça. Wow. Puis je peux vous montrer la. Oh! Ah, yeah! Oh, mon ordinateur! Ouais. Deux en deux. La beauté du site. Groupe Tazar. Oh, wow. C'est très et c'est plein de très belles choses comme leur moteur de recherche qui s'appelle J'ai trouvé. Ok. Aïe. Mais la lettre G, pas le mot complet. J'ai Toon pour leur service de musique qui ne contient pas grand chose. J'ai TB. Okay. Pour leur service de vente qui ça est en... Oui, je me suis créé un compte tantôt. Là. Faut que tu confirmes ton adresse courriel puis tout. Là. Un forum de discussion. Tazar vendu pour les petites annonces. Wow. J'ai essayé une douzaine des catégories. Il y avait tout rien dedans. Puis il a quitté la toile aussi. Il y a très peu de sites qui offrent l'option de crisser ton canne internet. C'est fini. Je suis tanné. Et dans la section... Enfin, on l'offre. Oui, dans la section divertissement, ils reprennent une de mes idées que j'ai données plus tôt, puis ils te donnent accès au site de TVA dans leur site pour que tu puisses écouter les émissions de TVA dans leur site. Mais ils n'ont pas de pub vraiment dans leur site. Fait qu'ils réussissent à pas faire de l'argent avec une pratique plus ou moins légale. Mais j'embarque. Je pense que vraiment, eux autres. Là. J'attends juste ma réponse de diaspora, puis j'embarque là-dessus après. Pour. Pour les gens à la maison, l'interface rappelle étrangement le site de la coopérative funéraire de Rimouski. Et je tiens à mentionner que le site a vraiment été retravaillé intensément dans la dernière année. J'ai été agréablement surpris. Il était beaucoup plus laid que ça avant. Puis c'est le fun, toute la place qui est là pour les pubs puis tout ça qui sont absents pour l'instant, mais il y a beaucoup de place. Oui, puis ils ont aussi du texte bleu sur fond bleu, ce qui réussit très bien. C'est clairement souverainiste. Oui. Il y a des drapeaux. Puis aussi, si vous aimez le groupe Tazar, vous pouvez aller sur Google, parce que cherchez pas sur le site du groupe Tazar, le moteur de recherche ne trouve rien. Oh. Le groupe Tazar est né. C'est une petite toune sur YouTube de 2 minutes qui vaut la peine. Bon, fait, exemple de branding réussi, de renommée internationale et de source de profit infini, groupe Tazar. Peut-être groupe Zwipple, finalement. C'est intéressant de mentionner que vous faites partie du groupe Mais Zwipple. Non, mais je trouve que c'est une excellente solution d'y aller vraiment le plus cheap. Allez, essayer de faire plus cheap que Tazar. OK, je sais, là, c'est peut-être pas faisable. Mais, tu sais, d'aller dans cette direction-là. Ben, tu sais, j'avais l'idée de juste comme mettre sur le site seulement une définition, dans le fond, qui est « Zwipple, deux points, adjectif, qui est Zwipple, voire Zwipple ». Fait que, tu sais, t'as comme un espèce de roulement infini. Ah. Les gens reviennent, tu cliques constamment, puis après ça, tu sais, je pense que ça marche. Les Français vont accrocher. Ça ouvre une nouvelle fenêtre. Puis, si tu veux maximiser aussi tout ce potentiel-là, tu fais juste afficher la page de Wikipédia à propos de Zwipple dans ton site. Fait que c'est même pas toi qui l'hoste pour vrai. C'est sur Wikipédia. Tu fais juste rediriger vers ça. Puis sur la page Wikipédia, que c'est toi qui édites, puis qu'il y a probablement personne qui va aller corriger de toute l'histoire de l'humanité. C'est juste une redirection à la même page constamment. Seul danger de ça, c'est de créer un paradoxe temporel qui fait exploser l'univers au complet. Sinon, peut-être de trouver une pour le paradoxe intéressant de faire une machine à voyager dans le temps, de prendre le rôle de Justin Timberlake dans l'affaire de Facebook, là, puis de souffler à l'oreille du gars de Facebook. Mais lui, lui, il va faire. J'adore. Mais faudrait aussi que tu ailles voir Banjo Bouchon pour lui dire. N'oublie pas d'acheter Zwipple. L'autre gars. Mais dans ma solution, j'étais Banjo Bouchon. Ah, OK. On voudrait tous être Banjo Bouchon. Ben, ne serait-ce que guitare Bouchon ou un instrument de la sorte. Ça, là, mais... Mandoline Bouchon, sa sœur, sa jeune sœur. Sa jeune sœur acadienne, Mandoline Bouchon. Mandoline Bouchon. Ah, si tard, on le voit jamais. Il y a que aussi dire de lutte. Une autre sorte de site très populaire sur les interwebs. Instruments à cordes. Non, vas-y. Qui demande très peu de travail, mais qui rapporte infiniment, parce qu'après ça, le contenu se génère tout seul, c'est les quelque chose FI. On a Meowbify, qui est un site qui te suggère de mettre n'importe quelle adresse de n'importe quel autre site, puis qui ensuite remplace toutes les images par des chats. Fait que si t'es déprimé quand tu vas lire les nouvelles, puis tu te dis, me semble que ce serait moins déprimant s'il y avait des petits chatons partout sur la page au lieu des gens tristes, malheureux, pauvres, ainsi de suite, tu peux aller sur leur site web. Il y a aussi un équivalent pour le bacon qui fait juste rajouter une grosse tranche de bacon par-dessus le site et qui propose d'ailleurs comme page pour l'essayer la page Wikipédia qui décrit qu'est-ce que c'est être végétarien, donc avec une belle tranche de bacon par-dessus la page. Donc, toi, ça ajouterait des mamelons sur tous les sites. Voilà. Et puis qui aime pas les mamelons, tu sais? Je veux dire, à main levée, là. Il y a juste un gars weird. Non, mais... C'est parce qu'il y en a trois, c'est pour ça. Mais t'as quand même pas spécifié si c'est des mamelons masculins ou féminins. Fait que peut-être que lui, il avait un doute, puis il a levé la main. Garde. Peut-être qu'il sait juste pas c'est quoi. Tu fais ton choix. Arrêtez de niaiser. De mamelon. Mais avez-vous d'autres solutions avant qu'on passe à la solution préférée? Moi, je suis trop enchanté par l'ensemble des solutions qui ont été dites. Je serais prêt à choisir ma solution préférée. Vas-y, mais avez-vous des solutions, d'autres solutions, non? Je peux me tutoyer, là, mais je, non, pas pour l'instant. je parlais... mon Dieu, je vous voyais, François. Non, vas-y, Mathieu. Il t'ignorait, bref, c'est ça qu'il essayait de dire. Okay. Moi, c'est vendre le zwipple.com et s'acheter un domaine agricole à la place. Faire pousser de la nature un peu, au lieu de faire pousser des internets. 10$ de domaine agricole, je suis pas sûr que ça va être... Tu peux te faire pousser une belle ciboulette. 10$. Absolument. Voilà. Ben oui, ben écoute, ce silence veut dire que c'est à moi de parler. J'ai l'impression que moi, j'aime beaucoup encore le site pour analphabètes parce que je pense que c'est une clientèle qu'on oublie souvent et que parce qu'on pense qu'ils ne savent pas lire, ils ne sont pas intéressés. Ils sont intéressés. Ah oui. Peut-être leur offrir quelque chose bien à eux. Puis les autres vont peut-être s'intéresser aussi à la culture analphabète et apprendre à lire en analphabète. C'est pas une blague. Moi, je dois rester avec le groupe Tazar, mais avec un petit bémol, aux endroits vides où il est supposé avoir de la pub, mettre de la pub. Ouais. C'est un petit détail, là. Eux autres, ils n'ont pas tout à fait compris ce petit bout-là, puis tous les autres petits bouts qui sont pas corrects, mais celui-là en particulier, là. Fait que, mettre de la pub. J'irais peut-être avec bisouner quelque chose, un plan d'affaires avec tout ce qu'on a dit, puis aller au dragon, puis... peut-être... c'est peut-être qu'ils vont embarquer. Clairement. Mais faire attention que c'est bien l'émission et pas le vrai dragon, parce que sinon, c'est... Mais il y a des trésors dans sa grotte! Ouais, c'est fort bas. Et tu sais pas, peut-être que Zwipple est un mot en langage dragon. Dragonique. Voilà. C'est sûrement qu'Harry Potter, Zwipple, il apparaît de quoi? Là. Fait que, ça veut peut-être dire micro-ondes en langue dragon. Peut-être qu'il va te donner 200$ espérant que tu as un bon micro-ondes à y vendre. Clairement. Et toi, as-tu une solution préférée? Oui. Tout le monde aime ça. Dans ma tête, je construis ça. OK. Le bad guy, c'est sûr, là, tu sais. Brander le Zwipple dans les cours d'école. C'est carrément Zwipple. Trouver le Bart Simpson de... Ah, une autre référence. Ah, désolé. Cette fille, elle est Zwipple. On a failli faire un épisode. Failli. Mais si on se fait au Simpson, check l'émission de Gabo. Hein, il y a eu du branding là. Oui. Zwipple s'en vient. On n'a pas pensé à ça, les grosses pancartes. Zwipple arrive! Avez-vous votre Zwipple? Oui, effectivement, c'était une autre de mes solutions. Juste un site web qui dit Zwipple s'en vient. Mets ton courriel ici pour avoir plus d'informations. Pour Zwipper! Puis après ça, c'est sûr qu'il y a tout le monde qui va donner leur courriel parce que les gens sont curieux de nature. Tu vas juste revendre ça à des compagnies de spam. Ouais. Vraiment. Mais ces compagnies-là l'ont déjà probablement, ce courriel-là. C'est pas grave. Il y a des compagnies qui font ça. C'est juste, tu engages du monde qui se promène dans la rue puis qui vont juste faire comme, hey, « t'as-tu été sur Zwipple? C'est cool, en salle. Ouais, Zwipple. Wow. » Ouais. Ben moi, je vais demander à nos podophiles de vraiment propager le mot Zwipple. Propageons. Si on a été capable avec Tabarplot, je peux pas croire qu'on n'est pas capable avec Zwipple. Donc, Zwipple en paix. S'il vous plaît, Zwipple. S'il vous plaît. Zwipple. Zwipple. Hey, Zwipple fait un problème des plus épineux, les garçons, vous serez d'accord. Mais la semaine prochaine, comment retrouver une carte mémoire dans une maison de 8 étages? Attends, carte micro SD. Ouais. C'est encore plus petit! Oui! Incroyable. J'ai hâte de voir ce qu'on va sortir. Oui, on va voir ça avec Dominique Hamel la semaine prochaine. On vous invite aussi à vous joindre à nous pendant nos enregistrements tous les deuxièmes mardis du mois au bar Les Passages, qu'on remercie! Ouais. Oui, 951 bravo. Rachel Est à 20h ou 21h si jamais il y a des problèmes. Et j'ai un petit message pour les gens qui ont froid des fois parce qu'ils n'ont pas de vêtements. Il y a un site internet qui s'appelle Mr. Dress Up qui vendent des vêtements. Alors, vous pouvez aller sur le site. Ils ont le chandail, pas de problème. Alors, ils ont dessus le chandail Zwipple? Bientôt! Oui. Bientôt. Okay. Moi, je tiens à dire... on voit les Zwipple. J'ai fait le premier tweet avec le hashtag Zwipple de l'histoire de Twitter. Oh! C'est le phénomène est lancé. C'est lancé. Parti. C'est parti. C'est fait. Bon, ben. Oh, ça commence! Ça commence! Guy Lepage l'a retweeté. Qu'est-ce que c'est, Zwipple? Ça veut dire que ma tante l'a lu. Alors, donc, on remercie aussi baladoquebec.ca. Et je fais un petit plug personnel. Le 7 septembre, si vous êtes à Montréal, allez au Montreal Improv. C'est 5 places à 21h. Spectacle de théâtre spontané que je fais avec des amis. Voilà. Et voilà, avez-vous des choses à ajouter? Non. Radio Talbot. Oh. Radio Talbot qui... Disponible tous les... Ben, tous les lundis. Et ça va être disponible par le temps que ce podcast est rendu en balado. On va recommencer la saison parce qu'on recommence sous peu. Donc, tous les lundis soirs, on fait ça à 20h. Vous pouvez l'écouter en direct ou en différé après ça en podcast. C'est comme vous voulez. On parle de jeux vidéo et de pas mal plein de niaiseries qui nous passent par la tête. Et vous écoutez des podcasts, vous faites un podcast, joignez-vous à nous après nos enregistrements pour les soirées broadcast où on fait juste prendre une bière, hein? Puis on jase, puis on se dit... juste nous puis la bande passante. Voilà. Banjo, as-tu envie de dire le mot de la fin? Non, viens au micro, Cool. On est rendu à deux tweets de Zwipple. Deux. Oh, ouais, yeah. Oh, mon Dieu. Vous avez un problème? Ils ont un podcast. Woo! Oh, merci. Yeah!